C093. Si on veut, on casse le cul et on le répare. Chienne de guerre, ok, y'a pas de lézard. Deux chiennes de guerre dans la même broche pour les vénards. Tu peux négocier le tarot comme au schéma. Reliqué par au comme à Seyma. On prie au Yéfo avec les blédards. Y'a que des assez nets qui peuvent nous guer là. 7-0-2-0-93 mais A. Jusqu'à ce que Dieu nous sépare. J'suis dans la cuisine, tu bouffes ce que j'te prépare. J'suis dans la cuisine, tu bouffes ce que j'te prépare. J'suis dans la cuisine, tu